demain. Je voudrais avec Sylvain Marconnet et Fabien Galthié qu'on revienne sur la victoire de l'équipe de France, donc 47 à 21. Parce qu'en France, on n'a pas un débat très intelligent. Ça va reprendre dans quelques instants, vous le voyez, la chemise rose est à la pause. Le AK mexicain. On écoute. Ça va reprendre, Jean-Louis, arrête tout ça, arrête. AK mexicain, Jean-Louis. C'est bien quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a quelque chose, là, ça va reprendre. Time chivre, time chivre. Time chivre, oui. Jean-Louis, s'il te plaît, nous vous rappelons qu'il y a un expulsé du côté anglais, un expulsé temporaire, ça va Jean-Louis, doucement, doucement. Calme-toi Jean-Louis. Tu nous as demandé d'y aller, mais bon, d'accord. C'est la deuxième mi-temps de ce troisième match de la Coupe du Monde 2011 à 15. On est là, Sportaz 732, deuxième mi-temps. On ne fait que revenir, on essaiera d'avoir des essais pour la deuxième mi-temps. Dans quelques instants, le time shift, attention, 0 secondes. 1, 2, 3, 8, 12. Attention, time shift. Toujours en direct du chalet, le mini studio. Improvisé ou presque, récupération d'un ballon par Rangnin. On nous a gonflé en début de mi-temps, il faudra faire attention quand même en fin de mi-temps avec les Argentins qui s'accrochent. Hein. Qui mènent, tu vois, on change, c'est curieux hein, quand même, ça, il faudra s'y habituer, c'est une nouvelle tactique de la production rugbyistique télévisée de changer le score de côté en fonction de l'équipe là que se trouve et que c'est là comme ça que ça te foule un peu la vision à l'envers. Allez, bon plongeon, oh là là là là. Allez, tu peux dire qu'il y a un blessé de plus du côté argentin avec cette ouverture de bouteille terrible. Ah, ça tue dur. Ça tue dur, oui. Ah ouais. Tu peux le dire. Récupération magnifique du Racing Club de France qui peut contre-attaquer avec Jean-François Kerkhaver. Jean-François Kerkhaver qui prend l'intérieur, magnifique. Il va y aller tout seul. Le grand fou. Brillant, très brillant. Très bon. L'attrapède. Ouais. L'attrapède. Il faut qu'il lâche la balle. Il faut qu'il lâche les mains. Ouais, intervention, pénalité signalée par monsieur. Pour les Anglais, par monsieur. Par monsieur pour. Genre en catamaran. Et je pense qu'il y a un joueur blessé hein, du côté argentin. Oui, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a ramassé, oui, est-ce qu'on ça... peut revoir l'action terrible du carambolage entre la Fiat 500 et l'Austin Metro. Il a pris un sushi géant dans le ventre. Ah non, mais c'était terrible. Ah, je l'ai vu, hein, je l'ai vu en direct parce que j'y étais. Bon, moi, j'y étais, Jacques. Pas vous, mais moi, j'y étais. J'entends bien. Ah, elle ne sort pas cette balle, elle ne sort pas. Oh, équilibriste. Hein. Danseur de tango, vous voulez dire, vrai, un équilibriste. Très vrai. Carlos Gardel, le ballon. Dans le terrain. Ah, pour qui ce ballon un peu nunderisé ? Ça, oui, c'est un anglicisme qui me frappe. Chandeleur. Tu es complètement dans la crêpe. Le ballon est dégagé par l'Angleterre qui ne peut le mettre en touche directement puisqu'il a pénétré les 22 mètres. Et maintenant, c'est la relance à Argentina. Argentina avec un boum. Petit coup de pied pour aller chercher une petite touche sympathique. Un peu mou. Dommage. Dommage. Bon, mais, c'est fini les gars de taper dans la sinon on joue au foot, hein, si vous voulez absolument continuer à taper dans le ballon, non, jouez au foot. Sinon, aux douches. C'est relancé par l'Argentine avec Maradona. Maradona, voilà, tout droit, oui, il oui, a compris que c'était tout droit. Tout droit, pas maladroit, tout droit. Ah, oh, dommage, oh, oui. Jeté de ballon bizarre tout de même. Ah, ça continue, c'est le passé. Oui, ça c'est bien tout droit. J'aime cette ambiance. J'aime beaucoup cette ambiance argentine. Il faut la sortir la pelota, la pelota par Buenos Aires, 4 mètres, 5 mètres, la ligne, que c'est 5 mètres, Jacques. Que c'est 5 mètres. C'est 5 mètres, 5 quoi. C'est 1 mètre. 5 mètres, tracé par l'Argentine, que la balle, que la pelota qui va marquer le Sard. Artisan des essais, fabricant des jeux collectifs, l'Argentine reprend les dessous. Il va pousser au centre, bien évidemment, puisqu'il manque un joueur du côté anglais. Encore quelques 2 ou 3 minutes, hein, me semble-t-il. Je ne voudrais pas vous raconter de conneries, mais quand même, il faut se méfier. Attention avec Kirchner. Kirchner, oui, bien sûr. Qui n'en manque pas. Qui n'en manque pas, surtout. Ouais, pénalité, oui. Bien joué de la part du jeune milieu de terrain argentin qui a superbement attendu la faute de l'adversaire pour négocier les trois points avec l'arbitre, M. Catamaran, qui signale comment on se gare. Comment on se garer, effectivement, dans ce parking tout petit à 15 étages en sous-sol. En Japon, vous savez, on fait tout en sous. En sous, en hauteur, hein, bien évidemment. On revoit cette action magistrale hein, de l'Argentine. Regarde-le, il y va, il galope, et c'est là qu'il sent qu'il ne peut pas passer son ballon parce que sinon... Hop, entre les deux. Oui, il aurait peut-être dû donner... Entre les yeux, plutôt. Ah, c'était joli. Hein, il aurait pu Toshiba, donner, vous pensez. Là, je vois cette belle pub Toshiba. Toshiba, on dit, hein, en anglais. Belle fin de passe, joli crochet. Et c'est ensuite... Ah, ça joue du côté argentin, quand même, ça, on ne peut nier. C'est vrai, ce sont les Japonais de cette partie. Son joueur, hein. Quel est ton point de vue sur la version officielle du 11 septembre? On aura le temps d'y penser tout demain. C'est l'alerte. Là, ça va être la catastrophe. Catastrophe pour l'Angleterre. Catastrophe pour l'Angleterre si ce coup de pied passe. C'était votre jeu flash, mais je n'ai pas de PV. Excuse-moi Jacques, hein, j'essaie de suivre un petit peu ce qui se passe. Cette fois-ci c'est bon, oui. C'est pas si évident que ça. Cette fois-ci c'est bon, goal par Argentina qui mène désormais 9-3 et qui s'installe confortablement dans cette partie. Gérard Argentina sont demandés, poste 8. Ah ça y est, voilà. Le retour du banni. Il était sorti, il jouait à 14, les Anglais. Il peut sortir comme ça dans le match, il peut partir, il peut aller faire des courses, revenir, prendre des photos. T'as coupé du bois. Faire du shopping. Et le ballon est récupéré magnifiquement par l'Argentin. Je me tais. Ah. Je me tais. Ouais, blond. Ouh. Blond. Le Racing qui va récupérer maintenant, tranquille. Ça va hein, pour ce deuxième match. Vous nous avez abreuvé hein, de bon messages. Rythme, très bon rythme. Très bon rythme, les auditeurs. Vous avez été présents, nous sommes fiers de vous. L'interauditeur. Oui, belle recul. Repousser l'anglais tel Malouine, que à Poitiers. Il va avoir mal au win. Aussi. Ça continue. Ballon perdu, non? Il m'a semblé voir gicler, c'est un casque, d'accord. Ce sont maintenant les casques qui giclent de ce regroupement. Ce soit un citron géant. Belle intervention de monsieur Jean-Antoine Catamaran qui le dit, hein, regardez, c'est comme ça le bateau. C'est vrai, on se pie. Très pédagogique, hein, monsieur Jean-Antoine Catamaran qui chaque fois agrémente sa décision de gestes. Comme celui que je suis en train de te faire, Jean. En tout cas, ces décisions flottent sur le stade. Ah ouais, c'est poétique. Hein. Sportas, parfois, ça atteint un niveau de poésie tout à fait regrettable. Ce sera donc une pénalité pour Wikisson. Je prends. L'abreuvoir à son. Je donne. Il garde. Il garde, et puis tu fais en même temps. Je vois que tu fais. Je passe. Il s'applique. Je ne sais pas où il va bronzer, ce jeune homme, mais il a un teint tout à fait carotin. C'est peut-être pas à Cambridge non plus, mais... Je ne pense pas qu'il joue au bridge, hein, Jacques. Je ne pense pas que ce soit sa passion. Lui, sa passion, c'est cuvette. C'est Dan Collet hein, qui joue au bridge. Ça continue donc. Je vous trouve très incisif, Jacques. Attention à ce ballon. À ce ballon qui doit passer entre les barres. Vous savez combien ça vaut un ballon qui passe entre les barres? 150 milliards de... Oh là là. Non, c'est sous la barre. Oui, c'est foutu minable. À côté. Lui qui a joué à Toulon, eh bien, il n'a pas tout bon. Oh, il ne joue plus à Toulon. Hein? Oh, c'est putain, tout non, ça c'est tout. Activité. L'activité pour l'instant est réduite hein, du côté anglais qui ne parle pas à prendre les points quand il pourrait prendre. L'Argentine est en tête, 9-3. Non. Bah si. Oh, les British sont Airways. Ils sont un peu dans la. Un peu comme tout à l'heure à l'équipe de France. Dans le doudoute, mais bon, la confrontation, l'opposition n'est pas la même non plus. Les Argentins, c'est quand même... C'était l'équipe de France, Olivier Gibert. Hein. Elle était un peu dans le fog, c'est vrai. Ça, tu peux le dire. Pendant ce temps-là, ça a repris tiens, sur la pelouse. Ils s'en remettent plein la gueule. Allez, la gaule. C'était tout à l'heure, la gaule, Jacques. Oui, c'est vrai, que ce sera dès la semaine prochaine. Hein. Je crois qu'il y a un deuxième match, hein, l'équipe de France qui a re-signé. Non, ils vont arrêter. Ah bon après ce qu'ils ont montré ce matin, ils ont décidé d'arrêter le rugby, de se retirer de cette compétition jusqu'à la fin. Et intervention de M. Jean-Antoine Catamaran, très haché ce match. Oui, d'ailleurs, je suis étonné hein, qu'on ait peu parlé des époux-turanges. Oh bravo Jacques, mais toi aussi tu ranges ton matériel s'il te plaît parce que maintenant c'est sale. Pénalité pour l'Argentine. Mais je n'ai pas encore dit le mot-clé qui fait encore plus mal. On a Terence Hill qui vient de nous rejoindre sur le site, je te le dis, Jacques. Pendant que tu fabriques ton Bud Spencer. Shooter Rainbow Warriors. Voyons ce qui se passe réellement. Il a déjà sifflé très vite. Eh oui, il n'est pas content. Il n'est pas content de cette vanne. Ouais, voilà. C'est vrai. Par contre, de l'autre côté, oui, on commence à le sentir bon du côté argentin. Hein. On commence à se dire que les points s'engrangent et que l'écart se creuse, comme mon estomac d'ailleurs. Il n'y a pas que les époux tu ranges qui rangent. Merci Jacques pour cette précision qui ne s'imposait pas du tout. S'engrange. 2 sur 5 pour Matin Rodrigue. Il faut qu'il arrive à la moitié, ouais. Il faut qu'il arrive au 50% de qualité plus, là, sinon ça n'ira pas du tout. Applique-toi mon jeune ami, 3 points de plus pour l'Argentine, c'est tout un pays qui vibrerait d'un seul coup. Allez, par-dessous, je bloque. Ah oui, elle est bien, pas elle mal, me semble ça, pas mal, celle-là me semble loupée. Très loupée en fait. Oh là là là là là là, je sais bien que c'est la période des vendanges, mais là tout de même, il est en train de se mettre les grappes à côté de la hotte. Si vous me permettez l'expression, Jacques, hein, c'est joli, hein, il m'a mis la grappe à côté de la hotte. Merci, Jacques. Pas de souci. 76, je vois pas pourquoi on parle d'un département français qui n'a rien à voir dans ce match. Alors qu'on on nous demande si on pourrait envisager un Johnny Gwynn Cochon, c'est Terence Hill qui nous demande contre l'Irlande. Nous allons vérifier ça, hein, Terence. Johnny Gwynn Cochon. Mais il y aura un Angleterre-Irlande quelque part ? Oui, d'un côté il y a Sex Toys, enfin, c'est du sérieux hein, ce match-là. Et ça c'est pas mal vu de la part des Argentins, même si la Placido Domingo s'est fait reprendre par les videurs du théâtre et qu'il doit repartir à l'attaque à l'assaut de son morceau de musique. Et pourquoi pas du blindé, non ? Allez, go et tango du côté argentin. C'est parti, ouais. Tupan Ander. Tupan Ander, ça aussi c'est une publicité déguisée puisque c'est Up and Under et Tupperware. Et donc je vous ai surpris, vous n'êtes qu'un escroc. En vente libre. Le ballon est négocié par les British avec ce grand fou là, le grand rôle. Soufou. C'est pas Soufoot, mais c'est Soufou et pénalité. Et oui, on joue trop ce ballon quand on est plus sur ses appuis côté argentin et ça, c'est particulièrement interdit. Et d'ailleurs, il y a Soufoot, il y a même d'autres journaux alternatifs dans le foot, mais dans le rugby. Il y a rugby, ouais. Si, il y a rugby. Non, tu confonds avec rue 80. 9. 9, très exactement. J'approuve. Et voilà. Donc il n'y a pas de presse alternative, de médias alternatifs, bien que une bonne vieille émission d'une bonne vieille radio toulousaine, Un Monde Ovale, reprend du service. Je vous recommande de taper Un Monde Ovale sur Internet et de nombreuses activités et autres programmations vous sont proposées par la fine équipe de Un Monde Ovale que je salue. Là, tu l'as mieux dit, Un Monde Ovale. Parce qu'un Monde Ovale. Aval, un Monde Aval aussi. Je vois pas à quoi tu fais allusion. Si ce n'est à cette ingurgitation d'informations qui nous arrive de partout, un monde aval. Attention à cette tentative de pénalité de Johnny Wilk. Oui. Oh là, il faut lâcher tout, hein, Johnny. Les niches, c'est parti. Est-ce que c'est Jean-Louis, tu filmes mal hein, les transformations, les pénalités, tout ça, Jean-Louis. Oui, oh là là, c'est pour ça qu'il tape mal. Peut-être c'est mal filmé, c'est mal tapé. Oh là, que ça. Hein, ce stade est maudit. Ou alors il est penché. Il est pas cher. Le stade est penché. Attention à ce ballon qui va être. Jean-Louis, tu me mets le score, tu me mets le temps, s'il te plaît. Tu m'affiches aussi une photo de ta femme à Palavas cet été. Et puis mets un caleçon quand même. Habille-toi, Jean-Louis, maintenant. Il y a des enfants dehors. Tout le monde est réveillé ici. C'est vrai que Jean-Louis, là, j'avais pas fait attention, mais tu te laisses aller. Ah, excusez-nous, Black. Mais là, nous. Black Attack. Avec Tagoyer. Tagoyer qui s'affiche en gros. Tagoyer, Woods. Woods. Non. Woods, ici, Woods. Le ballon est récupéré, bien posé par les Anglais, pondu, dirais-je même. Attention, Fittipaldi. Non, que je suis fou là. Effectivement, tu peux l'enlever tout de suite. On essaye de jouer chez le British. C'est la F1 qui me fait parler. Nelson qui s'est fait découper en l'air, mais pour l'instant, l'arbitre n'intervient pas, considérant que c'était dans le mouvement et qu'il n'y a rien eu d'illégal là-dedans. Bien que nous soyons sur le service public, dit la chaîne du rugby, mais alors pourquoi ne commentons-t-on pas l'équipe de France sur France Télévisions, qui se prétend la chaîne du rugby ? Attends, Jacques, tu te vois pas que t'emmerdes là tout le monde là, mais non, mais t'es chiant, hein. Tu te fais chier à nous poser des questions. Là, on est là tranquille, on est à l'heure de l'apéro. Tout le monde commence à se délecter, à sentir la saucisse qui grille. Et toi, tu viens nous emmerder avec tes questions qui tuent l'homme, qui tuent l'âme. qui tue. Quand même, parce que socialement. C'est vrai. Socialement, Jacques est présent. Hein. Enfin, je tiens à le dire. Oui. Le ballon est récupéré par les All Black. Ouais, All Black même, on va le voir. All Track. Qui monte. Qui met le ballon en shuffle, hein, donc il va aller au hasard. C'est parti. C'était celui-ci. On va voir. Hein, il s'est économisé 10 minutes sur le banc de touche. Il peut y aller maintenant. Il peut envoyer la saucisse et la purée. Le ballon est anglais, mais on ne sait pas quoi faire de cette combinaison. Voilà, en shuffle, si, ça passe. En shuffle, là par contre, c'est pas du shuffle, c'est la reculade traditionnelle et bien organisée. Le ballon est sorti pour l'Angleterre avec Tasher. Il faut qu'il repasse devant, là. C'est indigne de leur rang. 9-3, c'est vrai que ça fait quand même 6 points d'écart, un essai transformé minimum pour passer devant. Ah oui, bon, alors, alors que le temps lui s'écoule et une faute de plus du côté British. On est indiscipliné, on fait trop de. Monsieur Piment, donc. Ils sont extrêmement sanctionnés, les Anglais. Ça leur apprendra, c'est bien fait pour leur gueule. Je n'ai toujours pas digéré Trafalgar. On a remplacé Monsieur Matamaran. Catamaran. Monsieur Piment en rouge. Monsieur Matamaran. L'émission sympathique et rigolote, matin marin, jusqu'au fond de la glotte. Ah, merci Jacques pour ce nouveau programme. Je vous rappelle, Jacques est producteur de programme en live. À la minute. Pépé, hein, producteur de programme, c'est Pépé. En tout cas, les Argentins y croient, ils sont devant. Le peuple d'Amérique du Sud. Espère plus que de la sudation. Souviens-toi, Coupe du Monde dernière, ils finirent 3e certes, mais ils commencèrent leur premier match par une victoire contre l'équipe de France. Ils avaient déjà bouleversé un petit peu leur établi. Tu n'as pas digéré. C'est Trafalgar. Cette Coupe du Monde, c'est merde. Je me touche leur but. Oh, c'est bon. Ça ne vous gêne pas que je me touche l'embûche, là. C'est de la merde. Oh non, s'il vous plaît, arrêtez. C'est sale, c'est dégueulasse. Mais c'est vrai. Vous devenez grossier. Allons, c'est que midi ou presque. Ah oui, alors on y va tout de suite. Hein, on me signale sur le site qu'on y est. Oui, 55 minutes et 22 secondes, 23. 24, ça, c'est du time 5, shift pro. 26, 27. Ah ouais, ouais. Bon. On est beau du côté anglais, hein, on est beau dans ce maillot noir, mais on arrive à que dalle. Et c'est Pépère qui sort, qui laisse rentrer Mémère. Ouais, Mémérino. Mémérino, qui est quand même sacrément connu pour sa délicieuse paella. Si, la paella castellana, enfin valenciana, précisément, al poulet, al polo. Poulet et porro. Pas le porro. Excusez-moi. Pénalité d'appareil, je ne dis pas. Ah, écroulade. Et cette fois-ci, c'est métable. C'est métable, tout à fait métable. Mettez-les à table, tout le monde, à table. Oh là là là là, l'Angleterre déchante. L'Angleterre déchante, l'Angleterre méchante. L'Angleterre qui se fait pour l'instant trimballer et terriblement pénalisée. Et le Parti Socialiste n'en croit pas à ses urnes. Oui, la communication d'été ou l'université d'été de la communication tout l'hiver venant. Oui, enfin bref, qu'est-ce qu'ils nous font chier. Qu'est-ce que tu parles bien aujourd'hui. Pénalité par la 9 contre 11 finalement. Bon, il n'y a pas tant d'écart que ça sur les pénalités, mais je pense que 11 pénalités, c'est beaucoup pour un match international. Donc 11 plus 9, ça fait 20, ça fait encore plus. Ça fait encore plus. Jacques, tu fais bien d'additionner les deux, je vais leur faire avec l'addition et maintenant, je ne bouge pas. Petit matin, Rodrigue. Ah ouais, mais ça va mal pour lui, 2 sur 6. 2 saucisses. Et 3 Rodri Merguez. Oui. Ah, cette fois-ci, c'est goal. Cette fois-ci, c'est bon, c'est goal. Là, c'est dedans. Oh non, toujours pas. Arrêtez. Oh, bon, on peut pas avoir des images de derrière, non, ce serait mieux. Ah ouais, bon, il regarde ses partenaires, il dit j'arrête le métier, les gars, j'arrête de buter. Prenez n'importe qui, le talonneur, le pilier. Mais moi, j'arrête, je n'en peux plus. Et là, ça y est, c'est parti, nous l'avons vu. Il était nu, il était beau comme tout. La caméra ne veut pas le montrer, mais il va venir se mettre dans son champ. Regardez, l'homme en jaune lui court après. On ne sait pas après quoi. Pourtant, il est là. Un streaker. Oh yes, Jacques. Et changement du côté argentin. Le Racing Club de France fait rentrer. Ça y est, ils ont fait rentrer Pedro Domínguez. Pedro Domínguez. Oui. El Barbiros. El Barbero. Ah, j'ai un Barbiros de service. Les Gachmanta par Johnny. Johnny qui met par-dessus tout le monde et récupération 12 points, même un petit peu plus de perdu par la formation argentine. C'est pas bon du tout. 15 points, me souffle-t-on dans les oreilles. 15 points perdus. Tu te rends compte, ils en seraient à combien? 24-3. 24-3 avec Joré Jacques, ce serait terrible pour les Anglais. Et le ballon est pris cette fois-ci par Black Eyed Peas anglaise. Yes, Raf. La Raf qui attaque à mort, mais qui va être surprise et contrée magnifiquement par celui-ci qui s'infiltre joliment. Oh, Argentina, ouais. Que c'est beau. Mais il joue. Mais il zouzou. C'est midi, il est joujou d'ailleurs. Bientôt, vous allez pouvoir vous y mettre sur la 5. Le ballon est sorti par l'Argentine qui tente maintenant l'attaque à outrance, mais il s'est isolé. Non, on vient l'aider. C'est parfaitement exécuté. C'est travaillé à l'entraînement. C'est du professionnalisme. Retrouve-moi tout à l'heure. Ah, dommage pour ce petit ballon en avant. Il n'y a pas de en avant puisque c'est au pied. Ils peuvent continuer à jouer intelligemment. Se relève. Et récupération. On lâche le ball. Voilà. Et ça, il t'a écouté. Ça sort, hein. Et c'est contré. Oui, c'est magnifiquement contré. Et c'est. Contre ouais, c'est la contre-attaque anglaise, on fait tout et n'importe quoi maintenant dans ces 22 mètres, mais pourquoi pas, peut-être ça peut réussir, et non. Oh là là là là. Poteau. Ah oui, voilà, c'est poteau sortant, tout et n'importe quoi du côté des Anglais, 9-3, ils sont menés, ils n'arrivent plus à jouer, c'est inquiétant pour eux, c'est inquiétant pour la suite de la compétition. Oui, viens au fond du salon. J'arrive. Également. Ce sera une touche au bénéfice des Argentins sur la ligne des 22 mètres. Ça consiste en quoi exactement? Eh ben, c'est une touche, tu lances le ballon et tu essaies de récupérer. Vous m'emmerdez avec vos questions. Hein. Ben, 7 ballons ont été perdus de chaque côté, c'est mais beaucoup, on les cherche, beaucoup, on les cherche. Beaucoup de fautes, beaucoup de ballons perdus. Vous avez trouvé un, Jackie? Vous avez trouvé un ballon? Oui. Oui, j'ai trouvé un ballon, effectivement, mais il ne faut pas le dire, ça, Jacques, parce que vous savez combien ça vaut, un ballon, et la IRB, parce que c'est pas la FIFA, là, c'est l'IRB. Hein, elle est bonne, votre IRB? Tout est cher de toute façon. Melado magnifiquement exécutado par la patrouille argentina qui va rebénéficier de l'introduction. Et pour l'instant, ça se chahute un peu devant, mais ça tient physiquement. La Nouvelle-Zélande, hein, c'est ça, c'est où ça se passe là. Ouvre-moi. C'est en Nouvelle-Zélande, Jacques. On ne sait pas si c'est à Wellington, Dunedin, Auckland. Ce sont à peu près les trois seules villes que je connais du pays. Donc, si vous pouvez nous aider sur le site, n'hésitez pas à nous renseigner. Oui, parce qu'on a fermé le site de Christchurch, hein, qui était un petit peu dangereux. Ah, Christchurch, j'ai oublié, tiens, aussi. C'est plutôt le nom du stade ou c'est une ville? C'est une ville, Christchurch, effectivement. Christchurch, je trouve. Bien sûr, vous avez fait bien de venir. Bravo à tous les deux, je vous félicite. C'était parfait. Arrivé à égalité. Filmez-moi, madame, filmez-moi. Oui, Jean-Louis, mets un caleçon. Mêlée importante là, parce que effectivement, 60 minutes de jeu et 10 secondes. Et dans quelques secondes, dans on 60, arrêtera. 60 minutes de jeu, Jacques. Hein. J'ai dit 70 minutes. Tu avances. Tu en as marre de ce match. Je ne crois pas, vous réécouterez. Mais en tout cas, la mêlée, elle, c'est toujours debout. Jamel debout. Oui, oh, c'est dommage parce que la combinaison pouvait être sympathique. Argentina. Tenté le petit côté. Debout. Et Argentina qui va continuer à conserver sa balle. Y aurait-il un avantage au bénéfice des Racing Man au maillot ciel et blanc? Pour l'instant, tout va bien. Le jeu pour continuer avec Pepito Rodriguez. Rodriguez qui se fait légèrement croquer par la défense anglaise. Sur ce ballon, il est où? Il est au chaud, il est au frais. Allez, offrez-le. Il est gaucho, Jacques, le ballon. Hein, tout à fait. Avec Maté. Maté qui se fait trop secouer. Maté Lipton qui doit sortir cette balle, sinon il sera sanctionné. Allons, qui a récupéré le cuir? Sens les Anglais, sens les Argentins. Non, le ballon est là pour les Gauchos. Mais il faut le jouer. Non, il préfère encore une fois accentuer sur le côté pourri. Merci. Ah oui, merci, Jackie, de faire mon métier. Nos métiers. On a plusieurs. Et ça continue. Passarella. Ah, cette fois-ci, on gagne les deux, trois petits mètres sympathiques. Pourtant, on a légèrement plongé. L'arbitre a pu sanctionner. Il ne dit rien. Les Argentins rentrent dans les 22 mètres des Anglais. Et ils ont perdu la balle. Argentino. Oh, je m'emballe tout seul. Perdido la balle. Perdido le ballon. Et là, par contre, on est allé au-delà. Au-delà. Comme vous le montrez, vous plongez trois fois. You smell. Et ce sera du changement du côté British. Ouais, apparemment, deux cousins qui rentrent. Oui. Oui, c'est la famille. Hein, c'est cousin 1 et cousin 2. C'est jeté. Je jette mon cousin par terre pour m'asseoir dessus. Voilà, c'est fait. Le changement intervient. Tout change. Que s'est-il passé, Jean-Louis? Que veux-tu nous montrer sur cette action, Jean-Louis? La récupération du ballon par... C'est bien, Jean-Louis. Bravo, Jean-Louis. Il la lâche. Mais toi aussi, d'ailleurs. Tu l'as lâché il y a quelques instants. Voilà, en profondeur pour cette touche récupérée. On accélère, oui, qui sont pour John Bond. John Bond. Pee-wee Bond qui tente de revenir à l'intérieur. Il est pris, et du coup, oui, il repère comme il faut. Ouais. Dis donc, il a reculé ce qu'il fallait. S'il arrive à mettre le pied dessus, à passer avec son corps au-delà du ballon, il peut le récupérer. Mais non, les Anglais l'auront. Oh, 3-3-3. Ah oui, le train Londonderry est arrivé en gare. Mais les Argentins sont là, vigilants, costauds, puissants, à leur tour, et annihilent le choc frontal. On écarte, apparemment, ne connaît pas assez bien le positionnement des autres joueurs. On n'a pas le GPS en forme aujourd'hui. Ah, on se trouve mal. Quelqu'un nous dit que c'est mal filmé. C'est Bast qui nous dit que c'est mal filmé. Nous l'avions un petit peu... Non, on ne l'a jamais dit. Remarqué. C'est très mal filmé. Il a raison, l'arbitre vient de le dire. C'est très mal filmé. Un auditeur vient de nous le signaler. Attention. Il va falloir te reprendre, Jean-Louis. Il va falloir te reprendre. Il y a des jeunes qui poussent à la porte, Jean-Louis. Eh oui, mais Jean-Louis... Ah, nous allons donc approuver ce message qui part d'un bon sentiment, mais qui sera très dur pour Jean-Louis. C'est un coup de pied sur sol, hein, voilà, donc sur... En mi-mineur, hein, Jacques, un coup de pied sur sol en mi-mineur. Oui, on va regarder ça, Jean-Michel Plasson. Son ballon. Place son ballon. Jacques, il faut tout te dire, donc désormais, c'est un petit peu regrettable. Et attention à donc. Je capitule. Oui, qui sont. Oh là là, oh la jambe gauche. Oula, qui... c'est où Parkinson, c'est Johnny Parkinson. C'est ça. La fièvre acheteuse. C'est différent. Ah, il avait la jambe folle. Je pense que c'est une vache anglaise. On va regarder ça. Ce ballon est parti complètement, mais complètement. Il y a quelque chose hein, dans l'air de ce stade. Il y a quelque chose qui perturbe les joueurs à un point. Si c'est dans l'air, c'est du vent. Incompréhensible. Non, attends. Lui, c'est quand même le spécialiste. C'est loupé des pénalités. Mais comme ça, de ce niveau-là, avec cette erreur-là, j'ai jamais vu ça. Chut, le PS. Chut. Écoutons les primaires. Au plan, il a travaillé auprès de Pierre Mauroy dans le tout premier gouvernement socialiste. Et puis, il était également très partie prenante dans les grands conflits. Qui c'est qui a disparu? Il y avait un petit joyeux derrière. Une pub. Oui, visiblement. Ouh, il s'envoie en l'air. Il s'envoie tout seul. Il s'envoie au bout de l'affiche, au bout du but. De l'embu. Il n'a pas perdu la balle. Et les Anglais attaquent. Oui, enfin, je me calme. Mais il est contré par Cortés. Cortés, Maltès. Et là, oui, c'est la combinaison. Oh oui, il a été légèrement attendu, Kiki. Ouh. Et finalement, avec chance, good luck, récupère la balle. Good luck qui transmet à ses partenaires. Ouh là là, on transmet aussi ici. Il y a des transmissions qui se passent difficilement. Bien sûr, on reçoit des produits de qualité avec Los Angeles, quelle récupération. Los Angeles. Oui, il ne sait plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. L'attaque, ça n'a jamais été hors forme. Alors là, disons, c'est quelque chose. Ils ont le cuir avec une petite combinaison. Mais quel plaquage féroce et magnifique de la part des Argentins. Dans les jambes, directement. Tu ne peux plus avancer. Mais c'est non, super. Les Anglais n'avancent pas. C'est ça, en fait, que nous constatons. Ils déploient beaucoup d'efforts. Il va le pénaliser. C'est vrai. Il va le pénaliser en considérant qu'il a volontairement relevé les jambes de l'adversaire pour le faire chuter au sol. Oui, sur la tête, c'est dangereux. Nous le dîmes. Ouais. En bas. Il faut le rappeler, bien évidemment. Non, il est sanctionné, il a raison de râler un petit peu. Parce que c'est dans l'élan, je pense, que le joueur s'est retourné lui-même. Et on vient discuter. Tu viens à la maison ce soir? Non, je vais en week-end. Oui, parce qu'il y a ma femme qui ne vient pas, je suis seul. Okay. À tout à l'heure. Bon, il dit calme, hein, ne venez pas ce soir. Je serai pris là. Ah si, quand même, il fait le geste de le retourner. Ouais, il regarde immédiatement, tu vas voir, il le sait, parce qu'il va regarder immédiatement vers l'arbitre de touche pour voir si l'arbitre le sait. Tu vois, regarde immédiatement, hein, il relève l'œil, il sait qu'il a fait la faute. Et c'est donc une très bonne pénalité qu'ont joué les Anglais pendant qu'on faisait autre chose, c'est dégueulasse. C'est plus qu'une faute, c'est du jeu dangereux, hein, attention. C'est l'intégrité physique qui prime avant les primes. Ouais, avec la fameuse cervicale, hein, Jacques, c'est ça. Ouais. La fameuse vertèbre cervicale. Oui, au velouté de fenouil. Yeah. Merci pour cette petite recette. traditionnelle de chez Jacques, la cervicale veloutée de fenouil. N'hésitez pas. Et quand je dis oui, je vais vomir. C'est oui. Faut que j'aille vomir. Hey, tu mets le paquet, hey, tu mets le paquet d'épices. De fenouil. Yeah. Pendant ce temps-là, le score n'a pas bronché. Il est toujours de 9-3 pour l'équipe d'Argentine, et oui. Ça ne bouge plus. Même si là, les Anglais se montrent dangereux, quoi qu'ils reculent. Ouais, c'est un petit peu Waterloo, mais ils ravancent. Ils ont trouvé l'angle peut-être pour pénétrer dans la défense argentine. Si l'arbitre voit ce qui se passe au sol, il va sanctionner. Oh non, ils ont réussi à les repousser intelligemment. Inglés, sortida. Sortida, sortida. Ils ont le lato. Mais ça continue, on progresse. Le British avance, le British come on. Con la motivation. Come on, reaction. Physico. Physico. Ouais, alors ils vont marquer, oui, parce que là la défense est ouverte. Ils vont marquer, c'est goal. In try. Dirty beat. L'anglais. Dirty beat. Un essai qui sera, même si les buteurs ne sont pas en veine, transformé, ce qui permettra aux Anglais de passer devant d'un seul petit point. Et immédiatement, les Argentins se remobilisent. C'est rien, les gars, c'est rien, on s'en fout. On est mené d'un point, il reste 10 minutes, c'est rien, je vous dis. Si mes souvenirs sont bons, l'équipe d'Argentine en 2007 n'avait pas d'entraîneur. Vous avez des souvenirs, je sais pas, vous envoyez les cartes postales des fois, parce que là je ne sais pas d'où vous sortez vos souvenirs, c'est quand même assez regrettable. On sort de la table, Willy. Non, j'ai dit regrettable, j'ai pas dit on sort de la table. Nous allons aller vérifier tranquillement sur le site directement, en passant par, bien évidemment. Et bientôt le podcast sur le site de Radio Sportaz, où vous êtes, toi-même tu fêtes. Alors c'est Masados qui nous signale que Beacon, nous ne voyons pas les joueurs qui rentrent. Vous êtes traduit en même temps en japonais, Jackie. On nous signale bien évidemment que Beacon est rentré. Beacon. Ah. Ah oui, c'est Deacon. Pas Dickens, c'est Beacon. Right, mais, c'est cette fois-ci, c'est deux points de plus pour les Anglais qui repassent un petit point d'avance sur ces Argentins qui ne déméritent pas. Quant à savoir si la rentrée de ce joueur est un signe, là, c'est vraiment plus difficile. C'est du coaching. Bien sûr, Daniel Coaching. Là aussi, les anciens qui nous écoutent. Ce qui leur rappellera de magnifiques souvenirs. Jean-Louis, le score en gros, en grand, en large et en travers, s'il te plaît. Merci. Ah d'accord. Time shift. D'accord, Jean-Louis, a-t-il pas comme ça. 19. Oh là, 19. Wow. Vous êtes 19, non? C'est ça, c'est le nombre d'auditeurs ou c'est le score 19? Je ne crois pas. En tout cas, ça ne finira pas facilement en match nul. Alors, c'est rare, hein, le rugby match nul, quoi qu'il y en ait eu deux hier, par exemple, dans le championnat de France. D'où mon étonnement. Oui, je regarde quelquefois les résultats, comme ci, comme ça. Le second couteau. Je m'informe. Ouais, coup très tôt même ce matin, faut le rappeler. Pendant sera-t-il récupéré par quelqu'un? Un en avant signalé par monsieur, je rentre en catamaran, et ce sera donc une mêlée au bénéfice des Anglais. Reculez. Comment ça, à qui vous parlez, Jacques? Au joueur argentin. 11 minutes et demie à jouer dans cette partie. Les Argentins peuvent créer, bien évidemment, l'exploit. Ils n'en sont pas loin du tout, et finalement ce ne serait peut-être même pas un exploit, puisqu'ils sont capables de le faire. Bon, presque dire que... Appelle-moi vite. Ah bah, je j'y vais alors. Jackie. Changement du côté argentin. Heureusement qu'on a le droit à faire quand même beaucoup de changements au rugby, parce que sinon ce serait terrible pour les corps, terrible pour les esprits. Ouais, Buenos Herbes. Ouais. L'introduction. Mais bravo, Jacques. Ah non, pardon, c'est. Je ne te félicite pas. Non, c'est. Will qui chichon. Will chichon. Oh non, arrête. S'il vous plaît, arrêtez. Je sais que nous sommes une radio libre, mais tout de même. Non, si toi aussi t'es HEC. HS, oui. Vous avez raison de réfléchir, monsieur. Je vous repose la question. Est-ce que vous pouvez répondre maintenant? Le tomate, etc. Et... Ce n'était pas ma question. Tant pis. Mêlée, alors la mêlée, Jacques, tu le rappelles, hein, c'est là qu'on pourrait récupérer des watts, là, de l'énergie dans la mêlée, sûrement, tu vois. Ah oui, parce que c'est la phase de jeu qui demande le plus grand nombre de joueurs sur la même action. Ah, les pénalités contre les Argentins, cette fois-ci, ils considèrent qu'il a écoulé la mêlée. On s'énerve côté anglais. La mêlée s'écoule, mais la mêlée s'écroule. Et attention, laissez aller. Allez, Jacques. Mais l'écrouler, nous n'en pouvons plus. Pour ne pas vous mentir, nous n'en pouvons plus. Ah bon? En tout cas, c'est un coup de pied de pénalité et peut-être l'envol anglais, tant attendu, qui ont été menés pratiquement toute la partie, autant oui. que je siache. Que je le chiasse, oui. C'est joliment dit, mais ce sera à Johnny, oui, Gijon. Johnny, oui, le Well Gijon, il va tenter cette pénalité. Ouais, il prend la boulette. C'est terrible. Ouais. Il va poser le On pain. Voit l'olive. Et pendant ce temps-là, monsieur, je rentre en catamaran, s'est refait coquer gentiment, et c'est parti pour Johnny Well Gijon. Gros plan. Vous allez voir qu'il va, ouais. Il va couper la trajectoire du ballon. On ne peut pas. Oh là là, regarde l'arbitre, il est prêt à partir. Regarde, il se tient, je ne sais pas quoi, mais il se tient. L'arbitre, ouais, il n'en peut plus. Et oui. Boum. Alors, est-ce que c'est bon, Jean-Louis, cet angle, les gars, c'est loupé, c'est loupé. Ah, c'est limite. C'est complètement loupé, une fois de plus. Oh là là là là, mais c'est, j'ai jamais vu ce joueur à un taux si faible de réussite dans ses tirs au but. Que se passe-t-il? J'aimerais bien voir le remplaçant, hein, donc Wilkie Chichon, Sid Barrett. Arrête, Jack. S'il t'arrête. Je pense que l'atmosphère de ce stade est néfaste au buteur. Hein. Il doit y avoir des ondes à l'intérieur. On écoute. Tup and under. Et ça, là par contre, c'est récupéré par un anglais. Ah oui, oh, là, oh, de Mente. De Mente. De demain, voilà. Jacques. Demain. Mais le ballon a du mal à sortir. On perd le rythme engagé, produit. Et voilà, c'est sifflé. C'est sifflé, ça nous fera une petite mêlée pendant que je file à la cave pendant quelques petits instants, que je vous retrouve tout de suite derrière le pilier. C'est pilier. Pas la partie par contre, hein, le score very serré, un point d'écart entre ces deux équipes. Ouais. Premier tour de la Coupe C'est du vrai. Monde de rugby 2011. Nous sommes le 10 septembre, la veille du 11. Ouais, effectivement, Mazados qui nous signale que nous avons le jeu de mots stupéfiant. Oui. On revoit ce qui s'est réellement passé. Tu parlais du 11, pourquoi du 11? Qu'est-ce qu'il y a le 11? C'est du foot le 11. Ça va être ça. Quelques ballon. Minutes encore. Ballon dans la mêlée, vous saignez, il a saigné. Boudu, il a saigné le sale. Boudu, qui sont sales ces joueurs. Allez, on échange l'épaule. Oh là là, le pack anglais essaye d'enfoncer son vis-à-vis. Celui-ci a reculé mais résiste désormais. Sera-t-il pénalisé? Non, l'arbitre finalement fait tout simplement refaire package. La mêlée. Ouais, package. Ouais. On refait tout en un et mieux, en bien. Et est-ce qu'on a un petit jingle? Non, je vous ai dit non. Ah, mais ben, dis-donc, ne me parlez pas comme ça. Je ne suis pas une chienne. Brûle ça. Est-ce qu'il y a... On vous dit que non, il n'y a pas. Arrêtez d'insister sur le jungle. Remêlez donc que nous sommes entrés largement dans les 10 dernières minutes de cette partie et l'Argentin n'a qu'un point d'écart. C'est vrai que le suspense est entier, total, complet. Vas-y Jean-Louis, balance. Ça va venir alors. Qu'est-ce que tu fais Jean-Louis? Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais, dis donc. T'as tout coupé en plus. Tu commentes cette mêlée Jacques ou je laisse faire là? Non, si c'est pas Nantes, je ne commente pas. Oui, les Argentins n'ont pas les moyens puisqu'ils n'ont que deux bandes hein, sur leur maillot. Ils n'ont pas eu le gros sponsor, ils n'ont pas la troisième bande, ils n'en ont que deux. J'ai entendu ça d'ailleurs aussi, l'autre jour, un journaliste de France Info a annoncé un match de Ligue 2, Tours-Nantes. Un peu surpris de la légèreté de l'annonce. Il y a Lens-Laval ou Laval-Lens qui est aussi pas mal, me semble-t-il. Et Cannes-Nice, ça en jette l'été. C'est un déplacement, hein, Jacques, ouais. C'est le déplacement de Cannes-Nice. Bien évidemment. Et pénalité pour les Argentins, non, pour les Anglais. Aïe. Et cette fois-ci, on s'est ressaisi. Voilà. Il sait qu'il a laissé ses partenaires pendant des minutes seuls. Et que c'est à cet instant-là que les points sont tombés du côté argentin. Mais bon, si on considère qu'ils ont loupé quand même 15 points qu'ils ont laissés, tu me diras d'un autre côté aussi. Donc finalement, ça équilibre. Ça équilibre. Ce sont donc les Anglais qui vont pouvoir partir et passer devant. C'est vrai, c'est vrai. Devant où? Non, devant l'écran. Là. Ah, passez pas devant l'écran, non, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Par où? Là-bas. La voiture. Donc là, le lancer de marteau. De doigt, le lancer de doigt. N'a pas bien fonctionné. Du côté anglais. Alors lui, il en est à combien? 2 sur 7. Non, jamais. 2 sur 7. 2 sur 7. et un sursis. Un pain, une chocolatine, ouais, et un croissant. Bien, c'est pas bien. Mais là, il le sait, je ne sais pas, quelque chose de travail, c'est intestinal. Hein, c'est intestinal de conneries sportives. Oui, c'est un match officiel. Hein, quand même. Attends, tiens, on a sa balance. Officiel du métier, c'est dedans, là. De face, on le voit mieux quand même, Jean-Loup. Bravo, c'est peut-être pour ça, Jean-Loup. Alors, regarde, monsieur, ça y est. Ouais, you dance for. Et ce sera donc tout simplement 3 points de plus pour les Anglais qui partent désormais, qui filent vers la victoire. Il faut absolument que l'Argentin se ressaisisse. Il n'y a que 4 points d'écart. Olé! Ah, puta madre. Au revoir, Argentin. C'est parti. 5 minutes pour créer l'exploit, pour faire la différence, pour se remettre en route du côté des Gauchos. Des gringos. Ah. Je suis Nox. Sorti de la ventana par l'Angleterre avec le Viking, Johnny le Viking. c'est pas le même que l'autre. Lui, c'est Johnny le Viking. Récupération argentine, magnifique. Premier plaquage, deuxième plaquage. Il conserve là-bas, attend ses partenaires. Celui-ci vient l'aider et livre le cuir à la famille entière. La famille argentine réunie ici à Buenos Aires pour le plus grand exploit de son histoire. God attention, save voici, the cuir. Voici le ballon. Ouverture argentine. Oui, monte. Alligado. Ah oui, Alligado, c'est Aligo tout simplement là. Il s'est un petit peu emmêlé, mais ça repart du côté argentin. On peut la jouer en combinant. Voilà, montez, n'allez pas trop vers la touche. Bien joué, Coco. Véron. C'est magnifiquement fait. Ils vont marquer, je les sens bien. Ils n'aiment pas être comme ça, humiliés, repris vers la fin du match alors qu'ils ont mené pratiquement toute la partie, bien récupéré avec beaucoup de dextérité. C'était très chaud par contre. Là, il y a l'en avant. Il y a l'en avant fatidique qui tue le mouvement. L'en avant, on n'est pas sifflé, ça profite aux Anglais. Clac. Oui. Petit coup de pied, on cherche les liés. C'est le rebond fait. Est bon. Le rebond est bon. Oui, mais il est quand même arrosé tout de suite d'Argentin. Il essaie de prendre bien joué de la part de l'Argentin qui récupère ce ballon, mais celui-ci filera en touche. Non, oh, il est évité. Intervention de monsieur Marcoufen. Monsieur Marcoufen, donc, qui s'est entendu siffler lui-même et qui signale une pénalité au bénéfice des Anglais. Oui, mais entendre la sirène en permanence, c'est pas rassurant pour un arbitre de rugby. Ce qui est pas bon, c'est qu'il y a un expulsé du côté argentin, alors ce sera où? Ah. Ben là, il peut, oui ou non? Est-ce qu'il peut jouer ce ballon? Non, il est plus. Il peut non, plus il le jouer. Pas, non, il n'est pas sur ses appuis, c'est ça? Oh, c'est délicat, c'est vachement délicat. Non, c'est sûr, c'est la règle. Attention, on touche, pénal touche, donc on récupère la touche pour les Anglais. Oui, le sol est en bois malgré tout, la souplesse manquante. Deuxième match de Sportaz en ce 10 septembre 2011, à la vôtre. Petit changing. Merci pour ce massage moi-même. Ouais. Merci, je me masse en ce moment pour tout vous dire. J'ai mal au rein. Bonifacio qui vient de rentrer du côté argentin. Ouais, mais ce soit Fangio. Et 4 minutes, même pas, 3 minutes, hein, 3 minutes effectives bien évidemment au rugby, où ça y est, vous le voyez, le chronomètre s'arrête de lui-même. Non, on m'a dit que Fangio est parti rapidement au début de match. Ouais, je l'ai vu passer quand même. Hein. Ouais. Ah alors on la joue, cette pénalité, cette touche, cette mêlée, on y va les gars, parce que là je dois rentrer, moi j'ai quelque chose à faire dans quelques instants, je dois aller retrouver maman. Oui, mais les Anglais jouent la montre, vous le savez, Watchmen. Attention, les arbitres se font embrouiller, là, c'est pas normal. Non, j'arrive, je suis. Mazados, hein, Mazados qui visiblement a trouvé maintenant le site et qui nous contacte et nous abreuve. Right, vous pouvez pour les autres lire, bien évidemment. Allez, on récupère ce ballon. Côté anglais, on va maintenir les Argentins comme il faut, peut-être obtenir une faute, une touche, que sais-je. Conserver le cuir, bien évidemment. On embrouille. Tournez la montre. Ah non, on ouvre un peu quand même. Allez, petite passe intérieure. On est pris comme il faut par les Argentins. On sort le ballon, c'est réglementaire. Là-bas, à gauche. Alors qu'ils ont changé. Left. Alors qu'effectivement, à droite, il y avait peut-être une petite possibilité, mais là, il progresse tout de même et il s'approche. Oh, un essai maintenant, et je crois qu'il serait fini les espoirs argentins. Avec les Anglais qui sont. Oui, il y a un surnombre s'il la joue longue. Par-dessus, mais il n'était pas dans l'élan, mais il va vite. Ouais. Il en a 2, 3, 4, 8. Non, mais là, il est poussé en touche, me semblait-il. Quoi, les Anglais. L'arbitre avait levé son drapeau avant que l'Anglais aplatisse. Ce sera une touche au bénéfice des Argentins. Il faut la jouer bien. Ce sera la dernière, non? 78 minutes 10 secondes. Le temps est arrêté. Oui, mais il s'arrête tout seul, hein, le chronomètre. Il le sent quand il y a quelque chose. C'est ça. C'est un chronomètre intelligent. Chronomètre de lui-même. Bravo Jacques pour cette formule absolument remarquable. Tic-tac, tic-tac. 240 degrés. Oh, là ça fait chaud. au Jean-Louis, cœur. On peut jouer cette touche normalement, rapido, Jean-Louis. Hein. Oui, une touche expresso pour nous. Jean-Louis. Jean-Louis, pas fini. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a, il n'entend plus rien. Acouphène, monsieur Acouphène. Il a quitté le stade, Jean-Louis. C'est à toi. C'est à toi, cette liaison magnifique avec une récupération du ballon par les Argentins, mais il s'est laissé prendre cet imbécile. Ah, Stombat, hein. Alors qu'il y a une bouteille hein, là-bas qu'il faudrait enlever, qui est sur la pelouse, une grande bouteille qu'il faudrait sortir, qui gêne un peu. Il faut faire très attention avec le verre. Merito. Merito. Melori. Morios. Oui, vas-y. Oh, oui, c'est fait prendre par la RAF. Anglaise, bien évidemment, et lui, il peut le faire, il le fait, wow, il le fait intelligemment, il le fait forcer. Qui derrière, voilà, il faut l'aider. Accélère. Alors, il n'y en a pas un qui s'est galopé dans cette formation. Crochet, double crochet. Ah ouais, là, c'est là. Dernière c'était action. C'était la corrida. Allez, dernière minute de dernière jeu. Dernière possibilité pour les Argentins, oui, absolument. Chanson, Poss, Ible. En tous les cas, ils se mettent dans l'axe pour le faire. Pour l'instant, c'est pas mal, ils ne perdent pas le cuir. Attention, mes amis, le ballon est là. Argentina, Argentina, montre-moi que tu peux le faire avec la Fanti Vachi. Vachi Kiki. Ah, il sait plus par où passer. Intérieur, c'est bien. C'est pas trop mal vu. Ça permet de resserrer un petit peu la défense. Pour l'instant, c'est pas ça. Il faudrait revenir au rame. Il faut du soutien. Ouais, si tu fais ça, faut pas y aller tout seul. On est quand même à peine dans le camp anglais. C'est bon ça. Ouh, on va transpercer peut-être. Oui, c'est ça, tout droit. Il a tenté de le faire. Intelligemment, avec la feinte. Mais il faut le jouer vite. Pourquoi attendre que le mec arrive? Pourquoi attendre que celui qui est censé le faire le fasse? C'est en position. Là, lui, il est accélération, passé. Accélération sur le côté gauche avec un petit coup de pied. Il est plaqué après. Shame on you, Angleterre. Sale faute. Des fois, il me semble qu'il a été plaqué après Jacques, et l'arbitre considère lui que non. Et ça va être fini, désespoir argentin. Le match est terminé ici au temps réglementaire. L'Angleterre a gagné. Pourquoi il y a la touche alors? Ouais, est-ce qu'il fait la touche là? Il est là, c'est lui. Oh là là, il a été grand fou. C'était bien joué de sa part. Bon, Jean-Louis, tu fais quoi avec ton ralenti pourri là? C'est beau les ralentis, mais quand il y a le direct, c'est là, on va avoir peut-être ce coup de pied, cette faute finale, je ne sais pas. Là, c'est maintenant. Clac. Là, il a encore. Ouais. Bon, même si son coup de pied est long, même si c'est. Ah, c'est ça. Ah, l'arbitre l'a joué la touche. Alors, ça, c'est bizarre, étonnant. C'est étonnant. Effectivement, il y croit ce match. Il considère que la touche fait partie de l'action, c'est quand même assez bizarre. Ballon sorti. Dernière possibilité pour l'Argentine de renverser le cours du match. Restons là. Et de tuer l'Anglais. Profitons. Alors le but du jeu, c'est pas. Alors là, il y a deux trucs à faire. C'est ne pas perdre le ballon et aller dans l'embut. Parce qu'un drop ne suffit pas. Il fallait marquer un essai. Quand vous voulez, hein, le Somvat s'organise. Sauf qu'on est samedi, qu'on a des choses à faire quand même. Que là, maintenant, il faudrait nous lâcher. Ça fait quand même 4 heures de rugby pratiquement. Ça fait beaucoup. Allons-y, messieurs. Terminons-nous ça cette sur. Cette action, sur un essai si vous voulez, mais terminé. Ouais, une belle couleur peut-être. Des embrassades, que sais-je. Ah, ils vont pas un essai pas. Ah, ils vont nous faire durer ça, tu vas voir, durer celle. C'est vrai qu'au niveau diplomatie, les embrassades se font la gueule. Sortie des cuillères pour le Racing Club de France. Il va y aller, mais pas tout seul. Il n'y va pas tout seul, ça ne suffit pas. River Plate. River Plaque, Jacques. Hein, River Plaque. Très exactement là, c'est sorti. Mais la défense est là, immédiate défense anglaise et qui empêche le jeu de se développer, d'aller plus vite. Et c'est une pénalité au bénéfice des Anglais. Cette fois-ci, c'est terminé. Cette fois-ci, c'en est fini de la vie des Argentins. C'est sifflé. Et voilà. Ah, et bon, dis donc, ce fut difficile. Bon, nous, on va passer en mode dance four. Tranquille, hein. En mode sieste, je pense même qu'on va faire ça. Électronique que je salue. Oui. C'en est terminé pour les Anglais, ils ont gagné, mais c'est vrai. C'est pas GG, mais ils ont gagné, et ça c'est vrai. Et on y était. Et vous aussi, visiblement. Pourquoi c'est pas fini? Moi aussi, c'est fini là. Cette fois-ci, c'est terminé. Bon, moi, il faut que je file. Yes, it is. Sporta 732, it's over. Vainqueur, l'Angleterre face à l'Argentine. On se retrouve dès demain matin, aux environs de 10h30 maximum. Et on compte sur vous, amis du chou. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Salut, monsieur.